Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième partie de notre épisode sur les zones exemptes d'armes nucléaires. Si vous avez raté l'épisode de la semaine dernière, je vous conseille d'aller l'écouter. Oui, en fait, c'est la première partie de ce qu'on disait. Donc, on est toujours avec donc toi, Carolina, avec Aurore et avec Lova. La semaine dernière, on s'est penché sur la question des ZEAN, donc des zones exemptes d'armes nucléaires. Et on a particulièrement parlé du traité de Rarotonga en faisant énormément de digressions sur le droit international. Et donc cette semaine, on va continuer à parler donc des zones exemptes d'armes nucléaires, les ZEAN, mais en se focalisant plus particulièrement sur le traité de Pelindaba. Vous écoutez Léviathan, votre podcast dédié aux relations internationales et à la défense. Et on va recommencer sur la question, l'ouverture que tu nous avais fait, Aurore, la semaine dernière, qui est la question du rôle de la décolonisation et de la colonisation, de manière générale, les rapports coloniaux, dans la mise en place de ce type de traité, donc des ZEAN. Et c'est l'ouverture parfaite, Lova, pour nous parler du traité de Pelindaba. Donc, bonjour les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine pour poursuivre cette charmante discussion que nous avions eue sur les grandes questions internationales et l'enjeu des ZEAN sur la question de désarmement. Effectivement, je vais continuer finalement, puisque j'ai un peu ouvert la semaine dernière sur Pelindaba, qui est un traité en fait qui est assez intéressant, puisque comme tu soulevais la semaine dernière, Aurore, c'est les enjeux des mouvements, enfin des pays en fait qui accédaient à une indépendance dans leur rapport à la sécurité internationale, parce que c'est le point de départ de la réflexion des ZEAN. Alors juste petite précision avant de parler de Pelindaba. Pelindaba, c'est quoi? C'est un traité ZEAN qui concerne quelle zone? Pardon, il concerne donc l'Afrique, donc 54 pays, et son nom vient du site sud-africain nucléaire, en fait, puisque l'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire. Et en remerciement ou en symbole de son abandon de cette arme, donc à l'accession de Nelson Mandela au pouvoir, le traité porte son nom. Il a été signé au Caire et aujourd'hui, il est entré en vigueur par la ratification de 38 pays, mais certains pays ne l'ont toujours pas ratifié. Ça veut dire concrètement et juridiquement, Aurore, tu compléteras, que l'Afrique est, on va dire, officiellement une ZEAN, même si certains pays d'Afrique n'ont pas, ratifié le traité. On a la Somalie, les Seychelles, le Soudan. Ça veut bien dire que le rapport à la norme coutumière, parce que c'est le sujet de l'entrée en vigueur d'un traité, s'impose sur ce sujet à l'espace géographique qui est l'Afrique dans le cadre du traité de Pelindaba. Alors Aurore, un petit point s'il te plaît. La norme coutumière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux compléter ce que vient de dire Lova? Oui, certainement. Alors attends, comment je vais expliquer la norme coutumière simplement? La norme coutumière, si vous voulez, ce sont des normes qui généralement sont issues de traités, hein, qui donc ont été décidés par un certain nombre de pays démocratiquement, comme on a pu en parler la semaine dernière. Mais parce que on considère qu'il y a suffisamment d'États qui sont d'accord avec ces règles-là, on considère qu'elles deviennent donc coutumières. Ça veut dire que même des États qui n'auraient pas ratifié les traités dans lesquels sont contenues ces normes vont finalement être liés par ces règles. Et là, pour le traité de Pelindaba, ce qu'il se passe, on en a parlé la semaine dernière, à partir du moment où le 28e État concerné par le traité avait ratifié, donc le Burundi, on considérait que le traité rentrait en vigueur. Et en fait, Lova vient juste de le dire, le traité de Pelindaba, il concerne une zone qui regroupe 54 États. Et donc en fait, le 28e État, ça veut dire que c'est 27 plus 1, donc la moitié plus un État. Et donc à partir de ce moment-là, il y a plus de la moitié des États concernés qui avaient dit « Ok, effectivement, nous on consent à ce traité-là ». Et c'est pour ça qu'il entre en vigueur. Et qu'il vaut donc pour toute cette zone, même si certains pays avaient simplement signé, voire rien du tout. Est-ce qu'il y a des États qui ne l'ont pas signé du tout? Oui, alors aujourd'hui non, Mais c'était marrant parce que c'était le cas avant sa ratification de la Guinée équatoriale, en fait, qui est passée directement à la ratification en 2003. Donc, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir signé un traité, mais soumettre à la ratification directe. Et j'avais oublié mon pays qui m'est cher, Madagascar, 2003, qui a aussi ratifié le traité. Ça prolonge aussi une réflexion qui peut... Une question que nos auditeurs peuvent se poser, c'est est-ce que du coup, les pays qui sont liés à cette norme coutumière, est-ce qu'il y a un intérêt finalement d'aller les voir en disant mais ratifiez parce que il entre en vigueur, vous êtes concernés? Oui, c'est important parce que un traité reste politique. Et un traité politique, au regard de l'ONU, c'est toujours le fait d'impliquer tous les États dans une réflexion globale. Il faut que ça reste. Donc, ce n'est pas parce que le Libéria aujourd'hui n'a pas ratifié le traité qu'il ne faut pas faire la course à la ratification, on va dire, de Pelindaba. Et tout à l'heure, quand on parlait d'oubli, pour avoir vraiment travaillé du côté africain, je sais que Pelindaba est tombée dans l'oubli, pire que ça, ou mieux que ça. C'est que la norme coutumière, en faisant de cet espace voilà, une zone exempte d'armes nucléaires, pour beaucoup de pays, même qui n'ont pas ratifié, parce que moi, quand j'ai discuté avec eux, ils avaient oublié qu'ils n'étaient pas partis, enfin, qu'ils ne s'étaient pas engagés. Donc la norme est tellement entrée en vigueur dans leur tête qu'ils en oublient et c'est rangé dans les placards. L'enjeu, c'est que les conseillers, les chercheurs, les think tanks et toutes ces parties prenantes comme ça à une diplomatie de réflexion rappellent quand même à ces pays qu'il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas parce que un traité est entré en vigueur et que c'est devenu une norme coutumière qu'il ne faut pas impliquer son pays. Et ça, pour moi, c'est le premier enjeu actuel, si on doit poser les questions des enjeux aussi de Pelindaba, puisque tout à l'heure, et je reviens à ta question sur les mouvements indépendantistes, on a l'Égypte qui a une histoire très particulière parce qu'il est Afrique et Moyen-Orient. Alors, on sait que les années dès 47, la naissance d'Israël vient perturber la tranquillité ou l'africanité égyptienne dans une réflexion globale, une réflexion géographique du désarmement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Pelindaba a été signé au Caire, c'était symbolique. Et aujourd'hui, Pelindaba n'est pas ratifié par l'Égypte. Par ailleurs, une des dispositions au traité, c'est comment dire, l'implication de la Commission africaine à l'énergie atomique. Son directeur est égyptien. Donc, ça veut bien dire que, il y a une réflexion globale et un attachement, même aux pays les plus, on va dire, sensibles à ces questions, à faire en sorte que l'arme nucléaire ne prolifère pas et que ce soit une norme coutumière qui demeure en fait dans les esprits des pays africains, parce que l'autre volet, c'est aussi alimenter la réflexion sur le long terme. C'est pas parce qu'on a signé un traité en 96 et que finalement, dans 50 ans, 100 ans, la réflexion est la même. Je ne sais pas comment vont évoluer nos rapports de force et même les armes, mais pour autant, c'est l'enjeu aussi des traités, c'est de ponctuer aussi, donner vie à l'intérêt de son sujet. Et pour le coup, c'est les EAN. Et du coup, de quoi est-ce qu'il est né, enfin, de quoi est-ce qu'il est né ce traité, d'où est-ce qu'il part? De plusieurs rendez-vous, en fait. Déjà, on est en 96. Dans le monde nucléaire, c'est particulier, c'est la France qui dit « ça y est, j'arrête les essais ». Alors, la France, je tiens à le préciser, et malgré le fait que j'aime beaucoup mon pays et que je sois passionnée de ces histoires d'essais nucléaires, la France a été un petit peu, on la qualifie souvent de mauvaise élève du nucléaire avant les années 85, avant le tournant, en fait, Giscard / Mitterrand, qui a refusé de signer les traités, tous les traités qui concernaient le nucléaire. Hein. Tous, non? Oui, vas-y. Tous les traités qui concernent le nucléaire et qui a continué ses essais nucléaires, en fait, jusque tard. Ça a un lien aussi avec la manière dont la dissuasion nucléaire est intégrée à la politique de défense et même à l'identité du pays, qui n'est pas du tout la même aux États-Unis, en Chine ou URSS / Russie. Et donc, je te laisse reprendre. Alors, c'est intéressant parce que Il y a l'autre sujet d'ailleurs sur la question des armements. Je sais, très embêtante à chaque fois avec mes digressions de droit international, puisque si la France effectivement a été la dernière à botter en touche sur les essais jusqu'en 1996, ça a été dans les discours et quand j'ai lu les archives moi du comité de sous-désarmement, du sous-comité pardon de désarmement dans les années 50 à 63, elle a été vraiment la partie prenante sur la question de l'équilibre stratégique dans le cadre du désarmement. Oui. C'est-à-dire que, en gros, moi, je désarme, mais si toi, en face, tu désarmes pas, il y a un problème. Donc, je ne vais pas désarmer plus ou je ne vais pas désarmer. Et De Gaulle, dans sa grande réflexion d'indépendance stratégique, c'était aussi asseoir un équilibre stratégique face à des pays qui possédaient l'arme. Et ce retard s'explique par une cohérence, pour le coup, parce que du coup, on pense que c'est une incohérence. Mais non, l'incohérence de départ de la France, comme pour les États-Unis sur son refus, et ça c'est aussi très clair sur l'interdiction des essais nucléaires et son rapport au TIS, c'est l'équilibre stratégique. C'est qu'est-ce que je ne dois pas faire pour me mettre en désavantage par rapport à de potentiels ennemis parce que je voudrais désarmer pour désarmer. Et d'ailleurs, et on va terminer sur cette digression, c'est d'ailleurs toujours la politique de la France d'équilibre stratégique en ce qui concerne le désarmement. Mais on va fermer cette parenthèse sur l'équilibre stratégique, le désarmement, etc. Parce que sinon, Lova, tu sais qu'on peut en parler pendant des heures. Pardon. Et on va revenir à Pelin Daba et donc 1996. C'est ça. Donc, on a cette période intéressante qui est effectivement la fin des essais, enfin la campagne d'essais et la signature, parce que c'est ça, la signature du TIS, mais aussi le désarmement sud-africain qui a été largement acté, qui faisait que y avait une maturité, un, pour la zone, et deux, pour les États concernés, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les EAN impliquent les États dotés à ne pas faire des essais ou attaquer les pays membres de la zone. Alors, petit point, parce qu'en fait, même la semaine dernière, on en a parlé, et peut-être que vous ne le saviez pas, puisque c'est pas tout le monde ne sait pas ça, mais effectivement, l'Afrique du Sud a été en possession d'armes nucléaires pendant une partie de son existence. Alors, je ne sais pas exactement quelle est l'année à laquelle on lui attribue ses premières armes nucléaires. Il me semble que c'est un peu flou. Par contre, c'est effectivement au moment de la fin de l'apartheid, Et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela que l'Afrique du Sud se débarrasse de ses armes nucléaires. Et donc, c'est à ce jour le seul pays africain qui a été doté d'armes nucléaires et le seul pays au monde à s'être débarrassé de ses armes nucléaires. Voilà, petit point parce que c'est effectivement pas un fait qui est connu de beaucoup de monde, notamment parce qu'il s'agit de l'Afrique et que l'Afrique est malheureusement la grande oubliée en ce qui concerne les fun facts internationaux. Ouais. Mais aussi parce que ça commence à remonter à le temps. Et puis aussi, c'est une histoire courte. On est sur moins de 10 ans, de 82 à 89, le programme nucléaire sud-africain, encore le français, le britannique ou l'américain, voire le soviétique, date de 45 jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, ça peut-être malheureusement pas marqué les esprits. Et on parle de 6 bombes atomiques en termes d'arsenal. Donc, après, je trouve ça reste je trouve que ça reste fascinant puisqu'il y a tellement de pays qui cherchaient et qui encore de nos jours cherchent à l'avoir ou avoir ce pouvoir nucléaire. Donc moi, je trouve ça passionnant que ce pays soit arrivé. Il avait tous ses trucs et après, il a dit non merci en fait. Alors, c'est un sur peu la compliqué. Question particulière de l'Afrique du Sud, c'est pas que je veuille casser les espoirs de nos pacifistes, on va dire, profonds et sincères, mais ça ne s'est pas fait de manière, on va dire, innée. Certes, on a Nelson Mandela, cet homme formidable qui est arrivé au pouvoir, qui était clairement contre les armes nucléaires, mais c'était aussi une condition politique imposée pour éviter l'embargo par rapport au gouvernement Boer de l'époque, enfin apartheidiste, puisqu'ils avaient plein d'embargos, ils savaient que c'était une solution. En fait, la dénucléarisation, c'est un peu l'aspect noble d'une histoire qui l'est beaucoup moins, il faut quand même le préciser, et que ce qu'on retient aujourd'hui est très bien pour l'Afrique du Sud, très bien pour l'histoire du désarmement, mais il ne faut pas que l'histoire soit déformée par les faits. C'était vraiment un gouvernement qui n'allait rien lâcher, rien. C'était important de le préciser, puisqu'une fois que vous avez l'arme, vous ne la lâchez plus. Hein. Et malheureusement, l'histoire nous donne raison. Donc, c'est ce changement fondamental, constitutionnel de l'Afrique du Sud qui faisait qu'en arrivant, Nelson Mandela balayait tout et l'arme atomique est passée à la chasse d'eau. Hein. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Et en plus de ça, la manière dont ont été acquises les bombes nucléaires par l'Afrique du Sud, bon, on en reparlera, il y a encore pas mal de discussions académique et politique, mais c'est une histoire extrêmement intéressante. Toujours. Mais au moment où l'apartheid se termine, en fait, les personnes qui étaient en charge à l'époque de s'occuper des armes nucléaires étaient majoritairement blanches, hein, il faut le dire. Et avec l'arrivée du gouvernement Mandela, et ben, y en a plusieurs qui sont partis, tout simplement. Et donc, au-delà du fait de l'embargo et de la volonté politique, il y a une conjoncture aussi avec la capacité. Qu'est-ce qu'on fait de ces bombes nucléaires? On n'en a que 6. 6, c'est pas grand-chose pour un arsenal nucléaire. Ouais. Bon, si on fait une petite comparaison avec l'arsenal nucléaire français aujourd'hui, on en 300. A un petit peu moins de 300, selon ce que Emmanuel Macron a dit. Il a dit 300. Il a dit... Ouais, ouais, et puis Hollande avait dit moins de 300. Donc, bon, globalement... 299, en fait. Voilà. si c'est pas grand chose, et il faut savoir les utiliser, ces bombes, c'est à dire que si vous n'avez pas de quoi les projeter, si vous n'avez pas de vecteur, c'est ce qu'on appelle très joli, ce qu'on appelle un vecteur pour lancer une bombe d'un point A à un point B, globalement vous la faites quoi, vous la larguez d'un avion. Alors effectivement c'est ce qui s'est passé pour les premières bombes nucléaires Hiroshima et Nagasaki, mais aujourd'hui on largue plus vraiment les bombes nucléaires par avion, notamment parce qu'on se ferait repérer direct. Oui. Donc, il y a toute une conjoncture. Il n'empêche que le programme nucléaire sud-africain est extrêmement intéressant, mais encore une fois, on est digressé, Lova. Donc, on va revenir sur Pelindaba. Mais c'était intéressant pour Aurore, pour qu'elle comprenne aussi que le cas spécifique, et pour répondre à Carolina, c'est vrai que voilà, l'arme nucléaire, on ne va pas se mentir, il y a quelque chose de mythique. Moi, je ne trouve pas, mais même si je travaille sur ce sujet, à courir pour avoir la bombe, pour la bombe. Mais ça pose une réalité, on va dire, sur les rapports de force. Et même, je vais même parler de grandeur de nation, parce que bien souvent, c'est complètement lié à cette réflexion. Et justement, le mouvement des non-alignés, sur lequel j'ai déjà posé quelques bribes la semaine dernière, pose en honte internationale l'arme nucléaire. La réflexion politique de l'arme est inversée dans les années 50. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que les EAN, l'Open Sky, le TNP, tout ça, ils posent, même s'ils l'autorisent à 5 pays, que c'est honteux d'avoir l'arme nucléaire. Et ceux qui veulent proliférer sont des méchants. C'est pas des gens bien. Alors, je fais exprès de réduire, mais c'est vraiment l'état d'esprit. Et Pelindaba, juste pour réfléchir, c'est qu'on est dans un pays, dans un continent, où il n'y a pas un pays qui n'a pas connu la colonisation. C'est inhérent, si je mets l'Afrique du Sud à côté, mais qui a une histoire bien particulière, c'est inhérent à l'Afrique, le rapport à la colonisation. Donc les discours des non-alignés, qui comme ça jouent avec le champ lexical de l'émancipation, de la liberté, de la fin de la domination, dit que cette arme est une arme de domination. Dès lors qu'elle est une arme de domination, nous ne devons pas ni l'abriter, ni la stocker, ni la fabriquer, ni la transporter, et encore moins l'essayer sur notre territoire. Parce que cette arme, pour les Africains, c'est le rappel, en tout cas ça a été porté comme tel dans les discours des non-alignés, et qui n'est pas forcément, on va dire, en phase avec les années 96, mais justement, je vais revenir sur les États, les pays qu'on appelle de seuil à ce moment-là, mais que dans l'imaginaire collectif africain, l'arme nucléaire est une arme de domination du colon. Et ça, c'est important. Donc, cette réflexion de Zéane propre à Pelindaba, elle est vraiment consubstantielle. Et c'est vrai que quand on a cette norme, et justement, cette norme coutumière, elle a été actée parce qu'il ne fallait pas que parce qu'il y en a un ou deux qui hésitent ou qui soient sous influence, pas sous influence, ou qui soient réticents, puisse casser cette réflexion globale qui fait toute la réflexion de l'africanité, qui sont des termes qui sont arrivés quasiment dans la même période post-coloniale, en disant que les Africains doivent être libres, pacifiques. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais pour autant, l'arme nucléaire ne doit pas être le souci supplémentaire sur lequel les Africains doivent baser leur réflexion de défense. Mais parce que la réalité, et tu l'as soulevé tout à l'heure, il y a aussi une compétence aussi des ressources humaines. La vérité, c'est qu'on n'avait pas de chercheurs africains sur le sujet. Et qu'une arme nucléaire, eh ben, elle est faite de vrais gens, de chair et d'os. Voilà, elle est faite de chercheurs extrêmement qualifiés, elle est faite de centres de recherche, ouais. Elle est faite non pas d'un homme ou d'une femme, ouais. Elle est faite de la réunion de cerveaux absolument géniaux. Alors, on peut être d'accord ou non et considérer que l'arme nucléaire est ou non géniale, c'est pas vraiment la question. C'est pas le sujet. C'est les cerveaux qui sont à la base d'une invention, de telles inventions. D'ailleurs, il n'y a pas que l'arme nucléaire, il y a tellement d'inventions qui sont géniales, dans le sens littéral du mot de génie. Et donc, effectivement, à cette époque-là, vous connaissez tous le principe, il me semble, de la fuite des cerveaux. Hein, alors, à cette époque-là, on pouvait même dire... Aujourd'hui aussi, hein. Oui, mais alors, c'était même plus que de la fuite, je pense, à l'époque. Et donc, à cette époque-là, effectivement, les grands cerveaux africains, soit ils n'étaient plus en Afrique, soit ils n'avaient pas à disposition, en tout cas pas systématiquement, les outils qui leur permettraient de mettre en œuvre un tel programme de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est la date de naissance de Pelin Labat. On est sur une signature en 96. La colonisation, elle est loin. Hein. Elle est loin derrière quand même. Même si dans une histoire de l'humanité, c'est une goutte d'eau, ça reste quand même loin. Et moi, vraiment, pour travailler sur cette réflexion, il ne faut pas, même si le point de départ de réflexion est la période des non-alignés, il n'y a pas forcément d'écho véridique. Je vous explique pourquoi. Parce que Néron, qui est à la naissance des non-alignés, qui est le premier à avoir lutté contre, The Nuclear Bomb Effect, qui est son essai sur les essais nucléaires en 58, qu'il a sorti en février 58. Aujourd'hui, qui a l'arme nucléaire ? C'est l'Inde. Donc, on voit bien que les réflexions idéologiques ne collent pas avec la réalité politique. Pourquoi ? Et pour confirmer, parce qu'en 96, on a ce qu'on appelle des états de seuil. Et c'est l'autre enjeu, je suis obligée de parler de ce traité, qui est le TIS. Elle établit une liste de 44 pays pour obliger sa ratification. Aucun traité ne fait ça. Alors juste état de seuil, pour nos auditeurs. Ouais. État de seuil, c'est l'expression qu'on utilise généralement quand on parle d'État, qui serait capable, s'ils avaient la volonté politique, d'accéder au rang nucléaire, donc d'avoir des bombes atomique A ou bombe atomique ou bombe hydrogène, H, hein, en quelques années, voire quelques mois, parce qu'ils ont les compétences industrielles, intellectuelles, financières qu'il faut pour avoir des bombes. C'est simplement qu'ils manquent ou qu'ils n'ont pas de volonté politique sur ce point-là. Et on a quand même des pays comme la RDC, la Libye qui sont sur cette liste. Donc, pour nos auditeurs, le TIS, le traité d'intégration complète des essais signé en 87, je les invite vraiment à aller sur le site du ctpto.org pour pouvoir voir la liste des 44 pays. On a toute la planète qui est concernée, on a quelques pays africains qui sont concernés directement parce que ce traité permet aussi aux États qui seraient tentés d'avoir l'arme de ne pas l'avoir parce que ce serait interdit. Par un consensus africain. C'est pas, entre guillemets, et ce mot est important, enfin, cette expression-là, c'est pas en fait le blanc qui domine, qui vous l'impose. C'est nous, Africains, entre nous, on vous l'interdit. Et c'est pour aussi changer dans la réflexion, comme tu disais tout à l'heure, Aurore, coloniale, qui est très présente hein, dans les enjeux internationaux, que sur ce traité, l'Afrique, de manière souveraine, décide de manière souveraine, d'interdire aux Africains de posséder l'arme nucléaire. C'est pas valable dans les autres continents, c'est vraiment symptomatique de l'Afrique, c'est pas que ça, et même si je sais que nos auditeurs doivent se dire mais pourtant l'Afrique, bon, la RDC, mais la RDC dans les années 90, c'était pas je vais pas dire c'est pas la RDC d'aujourd'hui, mais les capacités, encore une fois, étaient possibles. Et il fallait déployer une arme nucléaire. C'est pas non plus que l'envie d'acheter, même si on voit l'histoire de la bombe pakistanaise qui a réussi à exister. Mais parce qu'il y avait une autre passionnante. Histoire. à lire le livre « Le marché noir de la bombe ». Je vous invite à le lire, il est génial sur le sujet. Mais pour autant, la réflexion, c'est il faut comprendre que, justement, et je prenais l'exemple de la bombe pakistanaise, c'est parce que les pays se parlent. Et les pays en litige se parlent encore plus avec les... Vous savez, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, on connaît l'histoire. Donc, il n'était pas exclu que des pays africains aient parlé à certains autres pays ennemis d'un autre pays pour pouvoir obtenir aussi des renseignements, pour pouvoir, enfin, des renseignements de recherche pour pouvoir construire la bombe, moyennant, en fait, de l'argent. Et l'argent, ça, on trouve. Les chercheurs, beaucoup moins. Mais l'argent, on trouve plus facilement. Et oui. Et donc, du coup... l'enjeu, c'était pas que les essais nucléaires, et même si ça tourne autour, c'était aussi vraiment poser un interdit pour ces pays d'Afrique. Il y a la Libye, il y a l'Égypte, hein. Et encore, c'est ces pays, on y reviendra, mais c'est des pays qui ont des doubles territoires comme ça, dans des liens entre l'Afrique et le Moyen-Orient, qui sont vraiment, en 96, c'est vraiment les pays des foyers d'incendie. Je ne suis pas sûre que ça ait vraiment évolué aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est réel. Et en fait, si on avait pu alléger, entre guillemets, le joug nucléaire de l'Afrique, ça aurait été bien. Il ne faut pas oublier aussi les matières premières à la fabrication des armes nucléaires. Elles se trouvent aussi en Afrique. Alors, donc, est-ce que tu peux nous préciser de quelle matière première tu parles, Laura? Alors, on parle tout simplement de l'uranium. Et ces pays d'extraction, vous les connaissez tous. Alors, effectivement, il y a les usages spécifiques. Ça va du scanner aux centrales nucléaires et tout ça. Oui, alors parce que souvent, quand on parle de nucléaire pacifique et nucléaire civil, les gens ont en tête les centrales nucléaires qui font de l'électricité. C'est vrai, ça ne recouvre qu'une partie de l'électricité, Oui. Parce que il faut savoir que dans le domaine médical, la radioactivité est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Marie vous dites Curie. Quand vous dites que vous allez faire une radio. vous ne le savez pas forcément, mais vous allez être exposé à des radiations. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs que les médecins se mettent derrière eux des vitres, hein, parce qu'une radiation, ça va, mais si vous en faites 15 par jour pendant 40 ans... Que les femmes enceintes sont interdites à des radiations pour les enfants. Et donc, c'est ce que tu disais, Lova, l'uranium se trouve majoritairement en Afrique. C'est-à-dire, et donc là, il y a un autre sujet extrêmement intéressant, etc., à creuser, mais c'est-à-dire que les pays qui possèdent des armes nucléaires ont eu, ou ont toujours, hein, ça dépend, une dépendance aux États africains pour avoir de quoi faire fonctionner leur bombe, tout simplement. Et voilà, et dernière digression qui va prendre 30 secondes, c'est vraiment sur le sujet, on touche du doigt l'essence de la France-Afrique. C'est une expression, les gens en rient aujourd'hui, pour vraiment travailler sur ce sujet. Je peux affirmer que ça n'existe plus comme avant, c'est une page tournée. Pour autant, c'était une réalité avant, et ça fera peut-être l'objet d'une discussion plus profonde. Mais il ne faut pas effectivement la dissocier de tout ça. Et l'Afrique doit se défaire de tout ça. Elle y va petit à petit. Pelindaba n'est pas l'alpha et l'oméga d'une réponse de la France-Afrique. C'est faux de dire ça. Pour autant, c'est une construction mondiale à sacraliser des zones, comme j'ai expliqué la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'on a Reagan, le site d'essai français pendant la colonisation sur l'Algérie, mais aussi c'est se dire qu'en réduisant les sites d'essai possibles, les espaces, parce qu'on imagine assez mal où est-ce qu'en Europe on pourrait faire des essais nucléaires, ou dans d'autres continents, mais l'Afrique et le Pacifique sont des endroits où effectivement ça se faisait parce qu'il y avait de l'espace. Le principe fondateur, entre guillemets, de Pelindaba, c'est 1. L'Afrique du Sud, elle démantèle en 93, donc 96, on est mûr. La fin des essais nucléaires par la entrée en vigueur, par la signature du TIS et la ratification de la France au TIS. Il faut savoir que le TIS, c'est la France, des pays du Conseil de sécurité, hein. C'est membre permanent du Conseil de sécurité, c'est la France, la Russie et la Grande-Bretagne qui ont ratifié. Il manque aujourd'hui la Chine et les États-Unis. Donc, la France, en abandonnant les essais, elle se débarrasse aussi de rapports anciennement coloniaux d'espace. Et du coup, c'est un moment, c'est vraiment l'alignement des planètes pour ce type de traité est légitime. C'est pour ça qu'on le fait en 96 et pas en 65 ou en 40. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment aussi, c'est une maturation du temps par rapport à plein de conjonctures internationales, nucléaires, oui, militaires, de la France en particulier. Mais c'est l'alpha et l'oméga n'est pas la décolonisation. C'est plusieurs choses. Et voilà, il rentre en vigueur en 2009 quand même. Donc, on met du temps quand même à trouver les pays ratificateurs. Ouais. Et du coup, quels sont les grands objectifs, quelles sont les grandes questions qui se posent aujourd'hui par rapport au traité de Pelindaba ? Tu as bien parlé de toutes les ratifications qui manquent, mais est-ce qu'il y a un stade après où tu parlais d'un traité oublié ? Alors, moi, vraiment, pour travailler sur les enjeux de l'Afrique dans le désarmement et les questions nucléaires, je confirme que Pelindaba est tombé dans les oubliettes. Donc, ça fait peur pour certains, mais moi, je trouve ça très rassurant. Parce que ça veut dire que... c'est tombé dans les oubliettes. Et mon deuxième propos, c'est que, évidemment, l'interdiction de l'arme nucléaire en Afrique est une évidence pour les 54 pays d'Afrique. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'il faut juste remettre au goût du jour la ratification pour qu'elle se fasse de manière beaucoup plus naturelle et saine que ce qui avait peut-être été compliqué il y a 20 ans. Ça, pour moi, c'est vraiment la perspective positive. Et peut-être pour continuer, j'ai parlé tout à l'heure de pays à double territorialité entre la... Et ça va être peut-être le problème de ratification, et non de l'entrée en vigueur, parce que Pelindaba est rentrée en vigueur de Pelindaba, c'est des pays qui ont double territorialité entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et Lovat, tout à l'heure, tu as évoqué l'Égypte, et comment sa position a évolué. Qu'en est-il de nos jours ? Qu'en est-il juste de façon générale la position du Moyen-Orient, puisque il y a notamment l'Iran, donc je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Alors l'Égypte, l'Égypte, voilà, comme je dis, ça fait l'Égypte et la Libye, c'était les deux pays comme ça. Bon, la Libye, on connaît que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a plus Kadhafi, on n'a plus personne d'ailleurs, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc je pense pas que la Libye va être le pays qui va se nucléariser le plus tôt en Afrique. Pour l'Égypte, sa résonance, et encore une fois, j'introduis le traité d'interdiction complète des essais, puisque son histoire nucléaire est liée à l'histoire nucléaire israélienne. Sa prise de position diplomatique, c'est Israël, en disant « si Israël a la bombe, moi je me réserve le droit d'avoir la bombe », mais comme la dissuasion israélienne est basée sur le flou, en disant « oh ben non, on l'a pas, peut-être qu'on l'a, mais on sera le premier du deuxième pays », j'ai toujours du mal avec cette expression. On sera pas le premier, mais on sera pas le deuxième. On sera pas le premier, mais on sera pas le deuxième à enclencher l'arme nucléaire. Si vous avez compris quelque chose, vous me le dites, j'ai toujours pas compris. Pour autant, ça pose la question de aussi qui sont les ennemis, entre guillemets, quand vous êtes en situation de guerre, parfois, même les zones exemptes, quand elles sont géographiques, elles sont limitées par une réelle politique, en fait. Et c'est le cas de l'Égypte, pour répondre à ta question, qui est clairement tournée sur sa question nucléaire vers le Moyen-Orient. Oui, complètement. D'ailleurs, en fouillant dans les archives, on trouve énormément d'engagement de l'Égypte en termes de discours sur « il faut créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, c'est important, on est contre les armes nucléaires ». Mais qui, de temps en temps, avec la conjoncture, ont des petits sursauts de 2005. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas une arme nucléaire ? Et donc, l'Égypte a une position assez particulière. Et d'ailleurs, l'Égypte est un des pays qui n'a pas ratifié le TIS. Oui. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'Égypte, à la fois, est concernée par le traité de Pelindaba, par le futur traité on espère, si jamais il advient un jour, de l'ASEAN, donc la zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, et il n'a pas ratifié le traité qui lui interdit de faire des essais nucléaires, alors même qu'il déclare ne pas avoir d'ambition nucléaire. Donc c'est une position assez intéressante. J'ai une petite anecdote pour l'Égypte. Je suis persuadée que vous allez rire Aurore et Carolina, c'est que j'étais en discussion avec des diplomates égyptiens, je ne dirais pas dans quel pays, et on parlait des traités de désarmement, leur position. Forcément, l'Iran était sur la table, forcément, Israël était sur la table, mais c'était le moins intéressant. Alors, et du coup, le plus intéressant, c'est quand j'ai le diplomate égyptien qui m'a rien dit, mais Lova, mais je vois pas de quoi tu parles. Nous avons ratifié Penin Daba. C'est pour dire que dans l'état d'esprit de Diplo, et c'est pour revenir à la réflexion de la norme coutumière, comme quoi ça fonctionne. Le gars, il est en charge du sujet, il me maintient mordicus que l'Égypte a ratifié Penin Daba. Je dis, alors à moins que la page Wikipédia, ce qui est possible, je vérifie, on regarde sur le site de l'ONU, non, l'Égypte n'a pas ratifié. Pour moi, ça donne aussi des sources d'espoir. Ça veut dire que la diplomatie égyptienne n'est pas contre Penin Daba, c'est juste un... Je n'ai pas parlé de désuétude, mais le sujet a été aspiré par d'autres réalités internationales aussi de priorité, et qu'il ne faut pas hésiter à le remettre sur la table. Moi, franchement, en tant que chercheur, je considère que c'est notre rôle de remettre des sujets qui paraissent comme ça poussiéreux, oublier. Il n'y a pas de sujet poussiéreux dans le droit international. C'est faux. Par contre, il y a une actualité tellement dense qui fait que les diplos, dans leur réalité, ils ont d'autres sujets à traiter. C'est notre rôle de les pousser. Et sur l'Égypte, encore une fois, les perspectives de Penin Daba, pour te répondre, Carolina, moi, je pense que c'est non seulement possible, mais c'est en plus le moment. Et peut-être que, Océane, tu compléteras, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a cette histoire un peu incroyable de la normalisation des rapports qu'on a avec Israël, qui fait que ce sujet... Et vraiment, je pense que... On parle de normalisation, pas d'accord de paix. Le sujet est quand même très fort. Mais que dans les enjeux, il ne faut pas avoir peur de ressortir les traités, le TIS, le TNP. Il faut ne pas avoir peur de remettre des vieux traités, alors qu'ils ne sont pas vieux, dans les discussions, en considérant que c'est acquis. Alors, c'est différent quand la personne qui initie le sujet n'a pas lui-même ratifié le traité. Je parle ici des États-Unis. Mais c'est le rôle de la communauté internationale, des chercheurs, des étudiants aussi, de relancer le sujet. Exactement, Lova. Là, je suis complètement d'accord là-dessus avec toi. Et je doute que Aurore et Carolina soient en désaccord, puisque nous sommes toutes les quatre des chercheuses, toutes les trois doctorantes. Effectivement, c'est le rôle des chercheurs de ne pas être pris en permanence dans le flot des actualités. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'on s'y intéresse. Mais si on veut prendre un petit peu de recul, il faut savoir de temps en temps se sortir de la masse d'informations qui nous fait ployer, tout simplement. Ouais. Je vous êtes déjà parti en vacances, ou peut-être que ça vous arrive régulièrement de ne pas suivre les infos. Vous arrivez 15 jours après, d'un coup, il y a une pandémie. Enfin, bref. Pardon. C'est important de prendre du recul et aussi de faire des liens, de ne pas oublier son passé. Lova, plusieurs reprises, l'épisode précédent et cet épisode, tu l'as dit, tu as parlé de remettre en contexte, ne pas oublier l'histoire, ne pas réécrire l'histoire. Et c'est vrai que c'est très important, parce qu'avec l'actualité, on est juste sur l'effet direct, tandis que certaines positions, certaines choses s'expliquent par l'histoire, par tout ça. Et justement, je me permets de reparler du Moyen-Orient, puisque Océane, tout à l'heure, tu as évoqué une Océane au Moyen-Orient. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, sans aucun problème, mais je vais juste faire une mini-discrétion. C'est aussi ce qu'on vous propose avec Léviathan, de prendre un petit peu de recul et de ne pas parler de l'actualité brûlante. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas qu'on fait quelque chose qui est en soi académique, c'est simplement qu'on essaie de vous montrer qu'il y a des vieilles choses, par exemple des vieux traités comme les EAN, qui ont un intérêt aujourd'hui. Et justement, l'intérêt aujourd'hui, Carolina, il est notamment sur la question de cette EAN au Moyen-Orient. Alors, Moyen-Orient, ZEAN, c'est une vieille idée. Je vous parlais du temps long dans le premier épisode. Là, on parle d'un temps très très long. Ah ouais, puisque dès les années 60, l'idée d'une ZEAN au Moyen-Orient était évoquée à l'ONU et dans les grandes instances internationales. Donc les années 60, on parle quand même, mes parents n'étaient pas nés. Hein. Et donc, alors les miens aussi, quand même. Et donc, c'est... Donc, dès les années 60, l'idée circule de faire une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Mais c'est en 1974 que le développement d'une ZEAN au Moyen-Orient a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, suite à une déclaration commune de l'Égypte et de l'Iran. Alors, on parlait de l'Égypte à l'instant, et là, je vous parle de l'Iran, et ça peut sembler étrange aujourd'hui de penser à l'Iran en passeur de concepts anti-nucléaires. Mais alors, laissez-moi vous rappeler que le renversement du Shah et la révolution iranienne, qui a drastiquement changé la politique étrangère iranienne, et pas que d'ailleurs, la politique tout court. Générale iranienne, et les rapports de force dans la région, donc tout ça, ça n'est arrivé qu'à partir de 1979. Donc là, je vous parle de 1974. À ce moment-là, l'Iran, l'Égypte font une déclaration commune qui permet de mettre ça à l'agenda des Nations Unies. Je vais passer toutes les discussions qui se sont passées sur les IAN, parce que c'est pas possible d'en faire le tour en si peu de temps. Par contre, je vais vous citer quelques grands moments, et Leva, après, j'aimerais bien qu'on puisse en parler, qu'on puisse parler de l'avenir de cette IAN, si elle en a un. En 1980, point intéressant, Israël a déposé sa propre résolution pour créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais en fait, elle l'a retiré en disant qu'il a préféré négocier ça directement avec les États de la région. Alors, je trouvais ça intéressant de préciser parce qu'effectivement, Israël est au cœur des problèmes qui se posent sur cette zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Deuxième date un petit peu importante, c'est 1995, lors de la prolongation indéfinie du TNP, qui, soit dit en passant, n'a pas été une mince affaire à négocier, les pays arabes ont conditionné la signature de la prorogation du traité ad vitam aeternam à la mise en place de discussions pour la création d'une ZAN au Moyen-Orient. Alors, juste très rapidement, Aurore, est-ce que tu peux nous faire un mini-point sur les conférences d'examen du TNP et les documents finaux? Donc oui, bien sûr. Donc les conférences d'examen, c'est des conférences qui sont prévues par le TNP lui-même et qui ont pour but, tous les 5 ans, d'examiner le fonctionnement du traité. Et d'ailleurs, depuis la REFCON, donc la conférence d'examen de 1995, il a été décidé que le TNP et ses effets seraient prorogés de manière indéfinie. C'est plutôt... plutôt cool et plutôt incroyable aussi. Et donc ces conférences d'examen, elles ont pour but, pour objectif de surveiller l'effectivité du traité, de revoir effectivement tous les 5 ans que effectivement les problèmes qu'on a identifiés la fois d'avant se règlent, peut-être d'identifier de nouveaux problèmes dans l'application du traité, et puis surtout de proposer des solutions par le biais de documents finaux qui sont publiés à la fin des REFCON. Alors, chaque REFCON, donc conférence d'examen, ne donne pas lieu à la publication d'un document final. C'est-à-dire que pour qu'un document final soit publié, il faut que tous les États membres du TNP, donc on parle quand même du traité qui a le plus d'États membres au monde dedans, donc ils sont 193 États membres sur 197 États, on parle quand même de la majorité des États sur la planète. J'aimerais préciser que ce n'est pas forcément le traité qui a le plus d'États parties. Je pense que ceux qui en ont le plus, c'est les conventions de Genève, qui pour le coup sont ratifiées par absolument tout le monde. Ah oui, eh bien, merci beaucoup. Enfin, voilà. tu vois, j'avais tort. Et donc, il faut que les 193 États se mettent d'accord sur un seul document. Autant vous dire que c'est compliqué et que généralement, une fois sur deux, il n'y a pas de document final parce qu'ils ne sont pas d'accord. Notamment en 1995, il n'y a pas eu de document final parce que les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord, alors même qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur la prorogation indéfinie du traité. Et je me permets d'ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Aurore, en disant que c'était super chouette la prolongation indéfinie. Alors oui, mais l'argumentaire à l'époque de ceux qui ne voulaient pas le prolonger indéfiniment, c'est-à-dire « Oui, mais les mecs, si on le prolonge indéfiniment, vous n'allez jamais vous débarrasser de vos armes nucléaires parce que les États dotés d'armes nucléaires s'engage en signant le TNP à un jour désarmer. » Alors, ils n'ont pas mis de date, ce qui est pratique, évidemment, mais ce qui fait qu'en 1995, il y a beaucoup d'États qui ne voulaient pas signer la prolongation indéfinie, parce qu'en se disant, du coup, ça n'obligera jamais les États dotés à désarmer, tout simplement. Autre petite date, 2004, le Gulf Research Center a proposé la mise en place d'une petite ZEAN. En voyant que la ZEAN au Moyen-Orient, c'était compliqué, il propose la mise en place d'une toute petite ZEAN qui concernerait le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak et le Yémen. Donc, ça fait quand même un bon bout du Moyen-Orient, mais ça ne fait pas tout le Moyen-Orient. Mais cet appel est resté complètement lettre morte. En 2007, il y a une résolution non contraignante qui a été proposée par l'Égypte et adoptée par l'AIEA pour l'établissement d'une ZEAN au Moyen-Orient par 53 voix pour, contre 2 contre. Alors, les 2 contre, c'était les États-Unis et Israël, avec 47 abstentions, dont l'abstention de l'Union européenne. Alors, c'est intéressant de voir les résolutions, parce qu'une résolution n'est pas traitée, mais on voit qu'en fait, après des années de blocage, des dizaines d'années de blocage, en 2007, il y a une petite poussée. On a envie de se réintéresser à ça. Et donc, c'est sous la pression de 2007 qu'en 2010, donc à la dernière conférence d'examen du TNP qui a donné lieu à un document final, la décision elle a été prise de tenir une conférence 2 ans plus tard, donc en 2012, avec tous les États de la région du Moyen-Orient pour avancer sur le dossier de la création d'une ZEAN. Bon, on ne va pas se le cacher, en 2012, cette conférence n'a pas eu lieu parce qu'avec l'instabilité de la région, ça a été très compliqué et cette conférence s'est finalement tenue en 2019. Donc, il y a eu, encore une fois, le temps de la diplomatie est très long. Je ne cite pas toutes les dates, mais globalement, l'idée, c'est que cycliquement, à toutes les conférences d'examen du TNP, donc tous les 5 ans, on revient à cette question de l'ASEAN au Moyen-Orient, de comment ça n'avance pas. C'est marrant parce que les positions des États évoluent. On voit l'Iran, la position qui évolue énormément, hein, vous vous en doutez bien. Mais c'est aussi le cas de l'Égypte, c'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite, d'Israël. Même s'ils ne sont pas là à la conférence d'examen du TNP, pour des raisons évidentes, vu qu'ils ne l'ont pas signé, vu qu'ils ne sont pas reconnus comme légitimes pour avoir des bombes nucléaires. Et donc, c'est une question qui revient cycliquement. Et alors, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, toi, sur le processus. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les ZEAN et les enjeux Moyen-Orient pour répondre à ta question, Carolina, c'est qu'il faut comprendre qu'encore une fois, quand on dit que le TNP est la pierre angulaire des traités, enfin de la sécurité internationale, il faut voir la ZEAN comme étant, et je l'ai dit, c'est vrai la semaine dernière, je le répète, c'est une marche supplémentaire pour renforcer le TNP. Et c'est vrai que le TNP, dans ses conférences de révision, elle dit pas, le sujet, c'est pas dire est-ce que le TNP est valide ou pas valide, hein, c'est pas le sujet. C'est quels ont été les éléments qu'on a mis en œuvre pour faire en sorte que le TNP, enfin les objectifs du TNP sont respectés. C'est important de le préciser parce que comme ça, conférence de révision, on a l'impression qu'on révise le TNP. Oui. Pas du tout. On révise. Alors l'expression d'ailleurs, c'est revision en anglais, c'est pas révision français, mais en fait, on essaie de, c'est une mise à jour des différents dispositifs internationaux qui prend en compte des évolutions, des rapports bilatéraux, parfois même nationaux, sur les objectifs du TNP. C'est vraiment important de le préciser parce qu'on peut aussi mettre en désillusion des gens qui pensaient qu'on pouvait changer le traité. Pas du tout. On ne change pas le traité. On ne change pas le traité. On regarde comment ces objectifs sont respectés compte tenu des différents outils. Et c'est pour ça qu'on parle d'arsenal juridique de la sécurité internationale. Le TNP, c'est juste le garant. Le reste, et quand on parle étape par étape, il ouvre la voie en disant « voici les modalités pour arriver à ce fameux article 6, le désarmement mondial ». Enfin, c'est mondial ou international, je ne sais plus. Désarmement total. Et ça oppose deux types de prolifération, horizontale et verticale. Horizontale, c'est pays par pays. Verticale, c'est l'augmentation par état doté. C'est-à-dire, c'est interdire que la France… entre guillemets, la France et les États-Unis augmenteraient leur arsenal. C'est ça les réflexions. Mais ça ne peut pas se faire si on ne met pas en fait à plat les différentes évolutions, techniques, parce que finalement, sur des réalités techniques, mais des traités qui deviennent plus que techniques pour le coup. Et c'est important de comprendre en fait que l'ASEAN, et c'est vraiment mon propos, c'est qu'un, il ne faut pas oublier un truc. L'histoire ne meurt jamais. Ça sera un titre d'un James Bond, mais c'est un peu beau, ça. C'est beau, oh, t'as vu, je suis poétique. L'histoire ne meurt jamais, et ça, c'est important de le dire, parce que quand on croit que c'est incohérent, non, il n'y a rien qui vient de nulle part. Il n'y a rien qui vient de nulle part. Et même l'histoire de l'arsenal nord-coréen, il a une histoire. Et parfois, on peut même dire légitime. Je sais que je fais trembler certaines personnes qui peuvent nous écouter, mais elle se comprend parce qu'elle n'est pas née de comme ça. On ne se réveille pas un matin de dire « Oh, bah tiens, je vais avoir l'arme nucléaire. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et non seulement ce n'est pas comme ça que ça fonctionne intellectuellement, mais ça ne fonctionne pas comme ça sur le plan pratique. Bah oui. Et c'est pour ça que ces différents éléments-là, Zéan, TIS, Open Sky, SALT 1, SALT 2, FNI, que ce soit bilatéraux ou multilatéraux, ils sont consubstantiels aux objectifs du TNP. Il n'y en a aucun qui en sort. C'est le désarmement global. Donc, ce qu'on peut effectivement se poser comme question, et tu l'as sous-entendu tout à l'heure, Carolina, c'est la réflexion bien évidente du Moyen-Orient. Quelles sont leurs perspectives aujourd'hui en zone exempte d'armes nucléaires? J'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être, un moment de respiration qu'on doit prendre avec tout ce que ça vaut, peu importe le président qui l'a porté, mais c'est la normalisation des rapports entre le monde arabe, enfin certains pays du monde arabe, attention, d'ailleurs de la Ligue arabe, parce que c'est vraiment le sujet, en tout cas, une position arabe qui change de doctrine, clairement, parce que ça c'est le mot quand même, par rapport à Israël, où le point d'orgue était basé sur trois éléments, mais c'était le problème avec la Palestine. Et on a compris que tant que la résolution de ce conflit n'était pas, enfin, c'est surtout l'indépendance de la Palestine et la reconnaissance de la Palestine, n'était pas sur la table, il n'y aurait pas de normalisation avec Israël. On a bien compris que les Émirats Arabes Unis, je crois que c'est Bahreïn, oui, et Koweït, j'ai un doute. En tout cas, c'est Bahreïn et Émirats Arabes Unis, c'est sûr. Ils ont dit, bah, finalement, on veut bien discuter, mais alors, après... on parle dans un monde réel. Comment va réagir l'Iran? Parce que le message n'est plus adressé à Israël. Le destinataire est iranien. Et comment l'Iran, avec ce JCPOA, avec le même pays initiateur, va se positionner? Je ne sais pas dans quelle mesure ça va faciliter ou voir rendre ça de manière plus difficile. Et en plus, on a cette histoire incroyable qui sont les élections américaines qui arrivent en plein moment. Il se peut que, peut-être, le prochain président n'est pas le même qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit rendre des comptes, ce qui va se passer, par rapport à une politique. Tout ça laisse comme une grosse zone d'incertitude, mais pas pour autant désespérante, c'est ce que je voulais dire. Alors, ça laisse une grosse zone d'incertitude, notamment parce que si l'ASEAN au Moyen-Orient n'a jamais encore pu voir le jour, c'est parce que, vous savez tous que la situation internationale, politique, sécuritaire au Moyen-Orient est depuis... on va dire plusieurs dizaines d'années assez préoccupantes et assez instables, ce qui fait que ce n'est pas non plus dans le top 1 des priorités d'interdire régionalement la possession, les tests nucléaires, etc. Aussi la question d'Israël, parce que Israël possède des bombes, c'est en plein milieu du Moyen-Orient, ça pose un problème, notamment quand on a des pays qui, comme de temps en temps l'Arabie Saoudite, se réveillent en disant bah, « pourquoi est-ce que nous, on n'en aurait pas une ?» Bon, alors c'est Ça fait partie de la famille royale, hein, ceux qui disent ça, mais ils ont quand même un petit peu de pouvoir, donc voilà. C'est toujours un petit peu compliqué, et l'Iran, évidemment, l'Iran, parce que, Lova, tu as parlé du JCPOA, alors, petit moment définition. Le JCPOA, c'est le nom anglais qu'on donne au traité qui a été passé entre l'Iran, les États-Unis et l'Europe, et signé par d'autres gens, pour le mettre en pause, le programme nucléaire iranien. Ça a été signé en 2015, notamment sur la présidence Barack Obama. Alors, c'est très important de le dire, parce qu'en 2018, Donald Trump a dit « This is a bad treaty, a very bad treaty, this is the worst deal ever ». Donc, je traduis pour les non-anglophones ou ceux qui auraient été heurtés par mon accent, c'est un très mauvais traité et le plus mauvais deal qu'on ait jamais fait. Et donc, a quitté ce traité. Ça a eu énormément de conséquences sur le développement des activités nucléaires iraniennes parce que l'Europe n'a pas réussi à compenser le retour de l'embargo américain sur l'Iran. Donc, la zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, c'est compliqué. Et c'est vrai que le fait qu'Israël normalise une partie de ses relations avec ses voisins sans... Alors moi, je ne suis pas extrêmement dans l'espoir, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de normalisation dans l'histoire aussi, donc il faut rester très prudent Malheureusement, dans cette région-là, avec ces acteurs-là, ça peut vite déraper, mais ça peut peut-être être l'occasion de discuter. Effectivement, à la prochaine conférence d'examen du TNP, donc qui devait se tenir en 2020, mais Covid oblige, se tiendra probablement début de 2021, ils ne sont toujours pas certains. La question de la zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient va se poser. Va se poser, et c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que, certes, le Moyen-Orient n'est pas une zone en paix, dans lequel on peut discuter de beaucoup de choses de manière relativement sereine. Mais il n'empêche que c'est aussi en parlant de sujets un petit peu difficiles, comme les zones exemptes d'armes nucléaires, mais qu'on peut relancer des discussions sur d'autres sujets qui sont peut-être encore moins faciles, notamment la question de la Palestine, la question des affrontements religieux, la question de l'utilisation d'armes chimiques sur ses propres populations, par exemple. Par exemple. Mais je pense que nous en parlerons dans un prochain épisode, n'est-ce pas, Aurore ? Et là-dessus, il me semble que nous devons nous arrêter parce qu'une fois encore, nous avons beaucoup trop parlé. Je vous invite globalement à aller regarder ce qui va se passer. Donc ça devrait être à l'hiver, début d'hiver 2021 ou printemps, sur ce qui va se passer sur les discussions qui concernent les zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Peut-être qu'une zone, une telle zone n'arrivera jamais, mais il est extrêmement important de regarder ce qui s'y passe, parce que comme disait Lova, plus il y a de zones exemptes d'armes nucléaires, plus on réduit l'espace que les armes nucléaires peuvent prendre sur la surface de la Terre. Merci beaucoup, Océane, pour cette belle conclusion. C'est un sujet qu'on pourrait en parler des heures. Il y a plein de choses que nous n'avons pas pu évoquer, que ce soit des choses qui sont déjà passées du côté historique ou même futures, puisque là on parle du Moyen-Orient, mais on pourrait très bien aussi aborder la question de l'Europe, etc. Mais merci à toi et merci à Lova de nous avoir fait voyager un peu et faire comprendre tous ces sujets. Merci à Aurore pour tous tes points droit international, c'était super. Ben merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris plein de choses grâce à Lova et Océane, merci. Ben, merci à vous les filles, et puis merci à vous, nos auditeurs qui nous avez écoutés pendant... Eh bien écoutez, je pense que ça va faire 2 heures en tout, entre l'épisode de la semaine dernière et celui de cette semaine. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler d'un sujet totalement différent. Il est possible que le mot nucléaire soit prononcé, mais je vous assure que ce ne sera pas le cœur du sujet. On vous dit au mois prochain et puis à bientôt.